Ceci est une lecture d'Anouk pour audiocité.net, sous licence Art Libre. Lettre de candidature pour le poste de prince charmant par Sié Malik. Disponible sur inlibroveritas.net, sous licence Art Libre. Musique extraite de la valse en F majeur. Opus 34, numéro 3 de Frédéric François Chopin, interprété par Paul Pittman, et disponible sur musopen.org sous licence public domain. Lettre de candidature. Gustave Grenouille, 10 rue de l'Étang, 96 691, Château du Havre. Téléphone 36 24 36 69. Adresse e-mail blablabla@hotmail.com. Le bonheur est dans le pré incorporated. À l'attention de Mademoiselle Formidable. Château du Havre, le mercredi 1er août 2007. Objet: candidature au poste de prince charmant, référence de l'offre, inlibroveritas.net. Mademoiselle Formidable, votre poste de prince charmant m'intéresse fortement. Titulaire d'une licence arts et lettres et d'une maîtrise en sexologie, j'ai les connaissances et les compétences qui me permettent d'être immédiatement opérationnel pour ce poste. N'ayant pas encore d'expérience professionnelle significative, je me permets de mettre l'accent sur ma très grande motivation, qui est, j'en suis sûr, un argument important à prendre en considération. Ensuite, je maîtrise l'art d'embrasser et de faire l'amour comme un dieu, deux compétences qui ont un lien direct avec le poste. De plus, je peux mentionner que caresser et faire un cunnilingus sont deux compétences que je possède et qui sont indispensables afin de combler vos attentes. Enfin, ma créativité ainsi que ma culture sont deux qualités indéniables dont j'ai toujours su faire preuve et qui seraient des atouts supplémentaires à ma réussite dans votre entreprise. Motivée et prête à m'investir pleinement pour ce poste, je souhaite vous entretenir du bien fondé de ma démarche dans les temps le plus près de votre château. Dans l'attente de vous rencontrer et d'être par vous embrassée, je vous prie d'agréer, Mademoiselle Formidable, mes plus chaleureuses et plus sincères salutations. Gustave Grenouille, le nec plus ultra en matière de prince charmant. Fin.